Comment il s'appelait ? Qui ça ? Racine. Tout le truc, sans le tribut, il faut dire. Entre guillemets. Et si le téléphone à l'arbre. Oh là là. Pour le Parti communiste et pour le mouvement national, j'étais gauchiste. J'ai tout fait pour convaincre son plat, pour s'essayer d'arrêter. On ne peut plus. Les gens ne peuvent plus. Notre cause est déjà perdue. En 76. Il fallait accepter de se suivre en 76. Il fallait, parce que vraiment, ici, j'ai même interrogé des gens qui étaient envoyés pour tuer des chrétiens. Moi-même. D'ailleurs, tous mes documents sont à Paris. Je les publierai un jour. Ils ont tout fait pour créer ce que je peux appeler une session de non-retour. Pour les bons, après pour les bons. Et ici, c'est un échec. Vraiment, en 76, nous avons pu échapper à cette folie chrétienne. Mais aujourd'hui vous ne pouvez plus échapper. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un conflit à Tripoli entre la 8 et 6. Mais c'est une insulte à Tripoli entre peuples. Allons donc. Mais les Alawites ne sont pas à Baal-Mersin, ils sont partout à Tripoli. Mes voisins sont des Alawites. Des camarades sont des Alawites. Mon camarade, sa famille habite Baal-Mersin. Ils sont nouvelles de sa famille depuis. Mon camarade est responsable de Koubé. Toute la région de Koubé, Samir. Sa famille est à Baal-Mersin. Ils sont nouvelles depuis 4 jours. Allons donc. Vous ne croyez pas qu'il va y avoir des divisions confessionnelles dans la société de Tripoli ? Alors, pourquoi ? Parce que les canons syriens sont à Baal-Mersin. Ah oui, c'est tout. Mais les Alawites ne sont pas seulement à Baal-Mersin, ils sont partout à Tripoli. Oui, mais vous pouvez dire ça. Mais les gens de la rue qui ne. Oui, nous avons été ce matin interroger des familles de blessés. Oui, je sais. Pour les Alawites, il faut les tuer, il faut les massacrer. Mais nous avons jusqu'à présent préservé les familles Alawites à Tripoli. Des centaines de familles. Nous avons à peu près 30 000 Libanais Alawites à Tripoli. C'est très important. Dans un de leurs principaux leaders, Abdelrahman, qui est un voisin à moi. Écoutez, un de mes camarades, son frère vient d'être tué. Zahra, par exemple, pour mon camarade, bien, écoutez, ce sont les Alawites, le régime Alawite en Syrie. Quelques heures, puis ensuite, bien. Croyez-moi que. Tripoli, c'est pas Beyrouth. Nous avons nos traditions. Nous avons notre histoire. Nous avons été toujours au-devant de ces messieurs qui ont. Qui ont commis des massacres. N'est-ce pas ? Un vieux contenu. D'ailleurs, une de mes camarades, par exemple, Badr, depuis 2 ans, on est sans nouvelles. Je vous raconte une histoire que je viens de raconter. La famille Alouche, à 300 mètres. La Sainte, les visiteurs du matin, de l'aube à l'aube. Un soldat pénètre chez les Alouche, il tue les deux frères, deux jeunes, de 16-17 ans. Pendant 2 heures ou plus, il maltraite la famille, tient la sœur par le sein, Écoute, salope, c'est moi qui veux tuer ton frère. La mère, c'est moi qui tue ton fils. Regarde-moi très bien. C'est avant le 22 novembre 81, parce que pense, avant mars surtout. Là. Deux jours après, si monsieur revient voir la famille, il dit, excusez-nous, c'est une erreur. C'était pas vous. C'était les voisins d'à côté. Ouais. Croyez-moi, c'est une philosophie de la vie qui nous dit. C'est pas une doctrine actuelle. C'est une doctrine. Tout le monde là est uni à ce point. De la vie, de la mort. Qui nous tue, je m'en fous. On ne peut pas accepter cela. D'ailleurs, lorsqu'on a essayé de m'assassiner, dans une conférence de presse, j'ai dit, voilà, j'habite au premier étage. Laissez ma mère tranquille, parce que c'est la deuxième fois qu'on a essayé de tuer ma mère. Maman, nous avons toujours essayé de maîtriser la situation. Je sais ce qu'ils veulent actuellement. Ce qu'ils veulent actuellement, c'est ils s'intéressent pour eux. Je vous donne un exemple. Allez-y avec Samir ou avec un autre. Vous allez voir, il y a tout le monde dans la rue. Vous trouverez le communiste. Il n'est plus communiste. Il n'est plus communiste. Vous trouverez le Juan Slimin. Il n'est plus Juan Slimin, c'est le tripolitain. Jamais notre peuple n'a été aussi unique qu'à présent. Il faut écouter ces bandes la nuit. Parce que c'est la nuit. C'est pour terroriser la population. Je crois que la chose qui nous peinait le plus, c'était parfois de se sentir seul et mal compris. Depuis quelques jours, nous serons des journalistes, c'est bien. Je ne peux pas répéter des phrases, comme disait, je crois que c'est le Bouddha, un grain de sable dans un coquillage, une plage infinie. Baudelaire, n'est-ce pas? Mais pas toujours. Parfois, la solitude, c'est une peine immense. D'ailleurs, dans une demi-heure, nous allons tenir une réunion de base. Pour moi, le base, c'est un monsieur de Rafi. Rafi, c'est un monsieur honnête, un tripolitain, je suis tripolitain. Nous avons notre décision à Tripoli. Vraiment, nous avons interdit notre décision à Tripoli. Le courant islamique, qui n'est pas Tawhid islamique, attention, hein. Il y a un courant islamique présenté par Donnavi, par Mabetti. C'est un courant. Libanais, d'accord. Acceptable, s'entendre avec. Et bien nous. Nous avons fait une réunion à midi, et actuellement nous sommes en réunion pour discuter des propositions essentielles. Parce que je propose actuellement de diviser la ville en deux. Qu'est-ce qu'il propose? Diviser la ville en deux. Une partie aux mains des forces communes. Mais elle n'existe pas, les forces communes à Tripoli. Pourquoi tout ça? Il veut faire exister cela, créer cela. L'autre partie de gendarmes. Quelle partie? Je sais pas. Mais c'est ça qu'ils ont dit à Karam après oui, demain. Oui, vient de faire cette déclaration tout à l'heure, il y a une demi-heure. Qu'ils veulent qu'on divise la ville en deux. À partir du fleuve jusqu'au Kobe, des forces communes. Forces communes, c'est-à-dire qui n'existent pas. Non, c'est pas le mouvement national de la résistance palestinienne. Ah. À Beyrouth. Dans tous les mois, il y avait ce qu'on a appelé des forces communes. Sauf ici, nous avons toujours refusé ce terme. Parce que pour moi, ces forces communes, pour mes camarades, pour les tripolitains, une façon de diviser mon pays, de le rendre en miettes. Et du fleuve jusqu'au Arsas, jusqu'au port, aux mains des gendarmes. Pardon. Ce que l'on prend là, ça va pas. Pourquoi? Mais que le soldat, qu'est-ce qu'ils font sur moi, les soldats syriens? Pourquoi? Pour quelle cause? Pour empêcher l'invasion israélienne à partir de Tripoli? Mais comment? Qu'est-ce qu'ils font sur moi? sais qu'est-ce que je veux. Plus poli. Ça dépend des négociations. Réduit, je lui vends en miettes. Il est parti pour l'Israël, monte pour la Syrie, juste là. Et le reste au phalangiste. Hein? Et le reste au phalangiste. Bon. Mais quelle solution? Hein? Quelle solution il y a? Est-ce que vous êtes pour l'établissement de l'armée de l'État libanais? Oui. Et reprendre la lutte ensuite, la lutte politique. Pour bon. Que notre pays se mette. À Tripoli, on m'a raconté que l'année dernière, les gens étaient beaucoup plus favorables à cette solution. Mais maintenant, ils ont vu que l'État n'a pas des armées vers l'Est, que l'État a, et que donc ils sont plus méfiants. Que l'État des armées vers l'Ouest, on dit un peu l'Ouest, on m'en fout complètement. Là. Ce sont des choses qu'on raconte. Là. Les profiteurs de l'état de choses qui régnait au Liban. Que l'état des armes de l'Ouest nous aime, ça ne nous regarde pas. Ce bureau a été occupé deux fois par les Libanais. En 69. Ah oui. Deux fois. En 69, lorsque nous sommes soulevés. En 24 octobre 69, en totalité, ils ont pu occuper ce siège, notre siège central. Et en 73, deux fois, en 73, on m'a amené à Beyrouth, une vingtaine de commandés, moi, dans le Libanais. Je n'ai aucun complexe, je l'ai combattu. Actuellement, c'est le pays qui est en cause, c'est notre existence. Que BOCS soit armé ou non, mais je m'en fous complètement. Je vous assure que tous les Tripolitains sont pour que, pour un désarmement, nous avons. Deuxièmement, le retrait des troupes syriennes à l'extérieur, le assassinat des troupes syriennes à l'extérieur de Tripoli. Troisièmement, le déploiement de l'armée. Quatrièmement, le contrôle de l'armée libanaise de la route des routes de Tripoli. Toute la route, c'est-à-dire plus de Barbara, plus de Marada, plus de Syria. Cinquièmement, un fonds national à Tripoli. Qui puisse prendre qui puisse être capable de prendre correct. Correct, c'est le mot. Correct. Dans cette période, je ne pensais pas. Le comité de coordination. Il y a M. Karami, il y a la résistance palestinienne, il y a les Syriens et quelques partis. Incapables. Je pourrais dire non à l'armée libanaise. Il faut mon pays sauvegarder, notre population sauvegardée. Alors, on me demande. Ce qu'on a de tâche futile, c'est de construction de notre pays. C'est le tâche future, c'est le tâche honnête. Difficile. En mars, lorsque j'ai reçu ici Yasser Arafat, ici même là, Mars Ibrahim, Mohamed Ghanem, j'ai dit à Marcel, il faut que tu te concilies avec les gens. Si tu arrives chez moi avec 5 voitures de garde, donc tu es en conflit avec qui? Avec les gens. Abou Ammar, que je connais très bien, qui me connaît très bien, et que je connais très bien, je suis 67. Je lui ai dit que la passion, c'est la passion qui m'a fait quitter Paris, te rejoindre à Aroir, pardon. C'est cette même passion, multipliée à l'infini, qui me pousse actuellement à dire mon pays, mon quartier, mes voisins. Je ne peux plus accepter cette autre chose. Ce n'est plus une révolution palestinienne. Et puis, je crois qu'il a commis une erreur. Ils ont parlé d'un tas de problèmes. Logique. Je lui ai dit, je suis pour l'armée libanaise. J'étais à Mohamed Ghanem en mars. Comme l'avait écrit Le Monde, nous avons été mis hors du mouvement national, c'est vrai. En tout cas, nous étions hors du mouvement national, bien avant, nous-mêmes. Notre froid, nous avons choisi. Ce fut contre nous une guerre. Ce fut contre nous, une folie. C'est quelque chose de terrible, c'est le fascisme. Et puis les assassinats. On a assassiné un de mes meilleurs, un ami, un camarade, un vieux. Ah bon, là, dans l'islam, il y a Hamza. C'est Hamza. Ah bon, là, mon camarade à Paris, notre meilleur. Puis l'a assassiné. Puis d'autres. Jusqu'en il y a quelques jours, deux de mes camarades assassinés. Parti à la Rama. Et on a arrêté les assassins. On les a livrés aux gendarmes, à la police libanaise. Ils ont assassiné deux camarades, deux des meilleurs aussi. Ahmed Nadessi Ali Rawit. Qui c'était les assassins? Leur plan était dans notre mouvement. Nous sommes organisés de façon une verte raison. Nous ne sommes pas des PPS. Des anciens non, c'est pas ça. Ce sont des noyaux partout en ville. C'est une grave raison. C'est pas une. Ils ont tout fait pour mettre la ville en feu. Par exemple, ils ont attaqué un nouveau fermier. Ils sont très populaires, ils sont très forts d'ailleurs. La nuit, un bureau fermé. Ils ont fermé tout le bureau, sauf ce bureau. Plus besoin de bureau. Plutôt les maisons, les rues, les taxis, les coiffeurs. Ils l'ont attaqué la nuit, ils ont juste tiré tous les meubles dans la rue. C'était une façon de violer. On n'a pas. Quelles sont vos relations avec l'ancienne résistance populaire aujourd'hui, c'est devenu Jeannot. Tawfiq Islam. Quelles sont vos relations avec eux? Khalil. Ce n'est pas un parti de l'extrême populaire. Ce sont des gens. Des groupes. En relation avec certains, ces groupes sont très bons. Mais je sais que d'autres groupes font un travail de démantèlement très connu. Un de leurs derniers bulletins, Adel, on a les routes en Nassara. C'est un frère musulman. Non, ce sont les civils syriens. Ah oui, qui sont rentrés dans une. Pourtant, Khalil est très bon des Syriens. Oui, c'est vrai. Mais pas pour Khalil Tawhid. Ah, évidemment pas. Saïd Sardin, comme ça. Un monsieur parachuté. Un nouveau venu, un un cheikh Aïcha avec sa grande messe, avec 6 millions, et avec des 6 millions, prêcher l'islam. Et puis, en tout cas, actuellement, Tawhid n'existe pas. Les gens de Tawhid sont dans la rue. Cheikh Saïd Chaban, cher Saïd Chaban, est incapable de contrôler. Sinon, ils sont avec mon camarade, ils sont avec tout le monde. Ils sont des obus. Et remarquez ces obus-là, c'est le même. Le magasin de Amin Hajar, en Khassour. C'est tiré de 5 à 6 km. C'est une descente de 15 km. Le tourbeau est dans le bas. La nuit, je me rappelle ce documentaire que j'ai vu à Paris, comme je brûle des larmes, Nuit et brouillard. Au centre d'études, les Tripolitains. Oui, votre réputation. Oui, au centre d'études, au centre d'études. Il y a une certaine façon de voir la vie. Des bandes qui pleuvent partout, hein? Qui? Je la connais très bien. J'aurais aimé la connaître dans d'autres conditions que ça. Oui, il y a une certaine spécificité avec Poli. Le 22 novembre 1979, nous avons pour la première fois dit non. Et de toute façon, presque hystérique. Là, le monde avec lui, nous avons fêté notre mandat de moment, de façon hystérique à Tripoli. J'étais à Adana en Turquie, nous avons imprimé notre acte dans une imprimerie parisienne, un passe-dieu. Oui, il n'y a pas de... J'ai été étonné de ce nom-là. C'est dans le 10e arrondissement. Oui, le cimetière là-bas. J'ai eu beaucoup de contact. Mais c'est Libération qui m'a guidé à Passe-Dieu. Un de mes camarades, j'avais trouvé une imprimerie très chère, trop chère. Un de mes camarades, de mes voisins, je visais à Paris, m'a donné l'adresse de cette imprimerie. Nous avons été là-bas. On a imprimé des tracts. Puis quand j'ai voulu même Charat, Balah, Sassari, à la Bukhari Faux. Un second. La ville s'est réveillée le 22 novembre avec un second. Toute la ville, les voitures, les balcons, toute la ville. Peut-être un millier de camarades, il y a eu la présence d'un millier de camarades pour pouvoir distribuer cela en quelques heures. Lubnan, Watan, Marcoria, Liban, Patrie et Liberté, premièrement et avant tout. Et puis pour moi. Ah, c'était quel 22 novembre ça? 79. J'étais à Dana. Et le 22 novembre, suffit vraiment, on a pu casser le mur de la peur. Je l'avais cassé en 61, le mur de la peur à Tripoli. Parce que je me suis soulevé pour faire. C'était pas le même adversaire. Le même. Ce que tu en dans les mains. Si. Pourquoi pas. Bon, l'État d'un côté, la défenseur, l'occupant de l'autre. Bon. Pas de nationalité pour ceux qui torturent. Soit en Iran, soit au Mexique, soit partout. Soit en Argentine, soit en Algérie. La peste. Ils se ressemblent. Vous avez une façon très philosophique de voir les problèmes. Écoutez. Le résultat fait la différence quand même. Entre les Talibanais et la Syrie. Ah oui. Il m'est arrivé de rencontrer des gens saliques. Des anciens. Je suis aussi au centre. D'ailleurs, lorsque j'ai été amené à Beyrouth en 1973, on m'a jeté dans une prison. On a trop tué un camarade devant moi, à Khaled. D'ailleurs, et j'ai les soigné à Paris parce que on a fait ce qu'à sa tête. Je voudrais avoir un vassier de la fortune. La Khorriya, peut-être. C'est une surprise pour tout le monde. À partir de Paris, de Adana en Turquie, nous avons organisé une certaine résistance. Et puis, de nouveau, en 81, je suis sur le terrible, 82, je suis l'expansion. Pour la première fois, les filles tripolitaines ont dansé dans les rues de Tripoli. C'est nouveau. Une ville, plus ou moins. Je vous assure, on dansait dans les rues. C'est fait presque, c'est pas Paris le 14 juillet, mais quelque chose de terrible. Mais peut-être tout le monde a tiré en l'air. Les gens n'ont pas eu peur de ces tirs. Parce que les armées syriennes sortaient de la ville, c'est ça? Non, semaine de novembre. Semaine de novembre. On a fait le sort en 81, en 81, et surtout en 82, tout le monde, la ville. C'est plus un nom catégorique à beaucoup de choses. Et ça a commencé. Une façon de contrôler la ville. Ils vous haïssent. Ils haïssent Tripoli. Oui. Oui. Et on sent qu'il y a un. Radoff. Mohamed, qui fut secrétaire général du mouvement national au nord, et qui a assisté à cette réunion qui a groupé tous les Palestiniens, les Libanais et les Syriens, a encore écouté ce colonel dire. Vous n'êtes pas aussi cher que Hamas. Vous êtes une ruse. Je ne crois pas que le tortionnaire, le sadique, a une nationalité. Sa nationalité, c'est le sadisme, c'est la torture. On a torturé un garçon de 12 ans, soi-disant phalangiste. Alors, quel est ton jet de pompe, la droite ou pas la droite, ou la gauche ou pas la gauche. Et puis, ils ont tout fait pour nous amener à la raison. Lorsqu'ils ont assassiné Abou Oula, notre Hamza, vraiment pour nous faire de la fin. Je savais bien que c'était tout le monde au mouvement, tous mes camarades savaient très bien qu'il était vide. C'est notre maître, pas meilleur. Mais vous êtes très pessimiste sur le prochain avenir. Moi? Optimiste? Vous avez parlé du génocide, vous avez parlé du génocide. Moi aussi. Ah. Et d'ailleurs, c'est souvent certains génocides, mais en France. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une prochaine paix à Tripoli? Est-ce que vous croyez que les bombardements vont cesser? Est-ce que vous croyez que la vie économique va un peu reprendre? Ou est-ce que vous croyez que ça va s'aggraver? Mon optimisme. C'est un optimisme qui est très profond. Nous ne reculerons pas. C'est pour cela que je suis optimiste. Quant au résultat, vie ou mort, c'est important, n'est-ce pas? Oui. Je refuse d'être un chiffre. Je sais très bien que j'ai Rafi, mes camarades, moi-même, que nous affrontons des problèmes très graves. C'est pour ça, très sportif. Résolu. Je viens d'apprendre par Mohamed que la réunion ce matin, j'avais un peu peur. Tout ça va très bien, on résout. On est pour le cessez-le-feu. On est pour le cessez-le-feu. certainement, il faut trouver une solution. Enfin, ensuite. La solution, c'est la souveraineté libanaise. Ça dit beaucoup de choses. Ils sont contre la partition. Contre le démantèlement du pays. Contre le démantèlement. Si c'est un destin, on pense au destin. Ils sont résolus. Et ils le savent. Ils le savent, mais ils sont peut-être décidés à payer le prix et à continuer. Eux, payer eux, ils s'en foutent. Eux, vous savez que les soldats syriens sont très bien traités par les autres. Il y a quelques positions syriennes ici à Tripoli, on est en relation. Il y a un bon travail à Tripoli. Un exemple. Allez. C'est bien la troupe qui a empêché de se croyez-moi que une bonne partie de la troupe qui est polie, c'est rien. Est en bonne relation avec la population. Non. Surtout si elle est finite. Oui. Évidemment. C'est vrai. On a un compte. C'est vrai. Pas se faire des illusions. C'est vrai. انا هالموضوع ما بيعنيني شيء اطلاقا لا انا ولا الحركه اطلاقا نعم يا استاذ انا هالموضوع ما بيعني انا يا اخي هالموضوع هذا ما بيعنيني انت بتريد ترجيك انه عندي مهمات اقوى من هيك وبتهمني المدينه حاليا هذا موضوع خاص شخصي بينك وبين الشخص اللي تعاملت معه انا ما بقدر احلل لك جورج دايبي Pourrais-je croire à ce que vous me croyez? Pourrais-je vous demander de croire? Sans tenir le fond. Donc, vos moyens sont limités. Nous faisons tout ce possible pour ne pas arriver à l'épuisement. Vous écouterez sans bombe peut-être, sans obus, un de moi. En terre, mes camarades ne sont pas très bien en fait. Les gens ici ne sont pas très bien en fait. Ok. Mais maintenant, vous savez quelle est la demande. Vous savez que ce qu'ils demandent, ils bombardent, ils demandent quoi? La division de la ville en deux. Je viens d'apprendre avant que vous arriviez. Que c'est ça qu'ils demandent. Et qui doit donner la réponse? Pardon? Quand ils demandent ça, qui doit leur répondre? L'entrée des joueurs de nuit. En tout cas, certains partis qui sont les chinois. Il me semble que ce qu'ils cherchent, c'est à nous isoler. Le mouvement du 24 octobre? Vous n'allez pas chez Kalamé. Ah bon? Non. Vous n'êtes pas dans le comité de coordination. Non. Et Kalamé serait prêt à accepter cette demande qu'il lui faut? Oui. Je connais Kalamé très bien. Je lui ai même dit qu'on va. Je peux acquitter la ville de nouveau. Prenez tout, si vous voulez. Si vous pensez que je cherche un gain personnel, dites aux Syriens, vous êtes leur ami, de quitter la ville. S'ils sont pour le mettre, ils n'ont aucun intérêt à rester à Tripoli. Il a dit que c'est l'affaire de ses familles. C'est pas l'affaire. Il a dit que c'est les négociations américaines. Oui, nous avons cette année. D'ailleurs, j'ai reçu une communication téléphonique du palais présidentiel il y a deux jours. On m'a demandé si je veux quelque chose, ils m'ont rien. طلب لا تقول له بسرعه طب من جميع معنى التصريح واحد من جميع معنى التصريح بفضل الكلام طبعا مش معنى التصريح ما عمل اي مهم انا الشرعي اتصالات انا الشرعي المواطن اكمل دولي اي دولي في دولي نبحث بعدين تكون في دولتكم اذا ما مسكت الموضوع بطرابلس بشكل ممتاز. عندك ناس عاوزة نقول مرة اسلامية بطرابلس حركة تحويل عم تحكي بكويه من فرنسي فوقيه اسلامية تعطي كوريه سنية مين؟ ملك التوحيد؟ نعم شكرا. ديبيك إشاشة بسيزولي ما يزيزال بسي عبد المجيد. Ah oui, à nous isoler, c'est-à-dire à Majid, nous autres, le Coran islamique. Le Coran islamique, c'est qui alors? Parce que vous êtes contre le Tao Harkat. Ah non, il y a. C'est pas le Coran islamique. C'est un Coran. Iranien, que syrien. Lorsque je dis Coran islamique, je dis Banawi. Je dis pas de petit somar islamique. C'est ce qu'on appelle le Coran saoudien, c'est ça? الو ايه ليه بروفيسيونيل سي بوست بوتيو طبعا نستنى بس هو دي صار بوتيو mais on met en tout partout sont parfois avertis de la gravité de la situation une quoi les grands moments de secours ils sont honnêtes. Ils ont tout fait pour que les combats se déroulent dans tout Tripoli. Dans leur tactique a été d'empêcher ça. Est-ce que vous me conseillez d'attendre ou est-ce que vous me conseillez de partir maintenant? Partez tout de suite à Beyrouth. Partez à Beyrouth. Pas pour moi, pas pour ma part. Moi je souhaiterais justement demain. Que pensez-vous de l'hypothèse du processus de contamination? L'hypothèse du processus de contamination selon lequel actuellement la carte actuelle du Moyen-Orient, qui est constituée d'États arabes, qui sont plus ou moins des États factices pour un certain nombre d'entre eux, contenant des minorités avec des forces centripètes, des gens prétendent que si le Liban servirait actuellement de champ d'expérimentation pour ce genre d'explosion, ce genre de déstructuration d'un État central, que cette déstructuration pourrait s'étendre à la Syrie, elle pourrait s'étendre à l'Irak, elle pourrait s'étendre aussi à différents pays de la région. Est-ce que vous croyez... Le Moyen-Âge, quoi. Pas forcément le Moyen-Âge, non. Mais en tout cas la remise en cause complète et systématique de... Il y avait dans notre histoire, les 40 ans, chaque communauté avait son domaine. On va vers là, hein. C'est le Moyen-Âge. Croyez-moi, qu'avant Moussa Sadr, je ne savais pas si j'ai été... Si, je suis sunnite, mais je ne savais pas avant 10 ans. De quoi qu'il pense, en tout pour ce... Mais je ne savais pas. Oui, mais ils sont en train de gagner. Que les Russes deviennent Russes, les Maronites Maronites, les Sunnites Sunnites, les Chiites Chiites, etc. Et les Israéliens. Et les Israéliens sont juifs. Non, mais bien sûr. Pourquoi? C'est ce qui est en train de se passer. Ils ne gagneront pas. Supposons l'hypothèse d'école, là. Supposons que là. Ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas. Oui, mais combien de temps? Ça, ça peut faire des problèmes sur 20 ans. J'ai déclaré à un journal libanais que le jour de la mort de Béchir, j'ai déclaré. C'est vrai. Je l'ai combattu. Nous avons eu 3 fois plus que tout le mouvement national, que toute la résistance palestinienne. 3 fois plus de fuyés de mort. Je suis pleuré de sa mort. Parce que je savais très bien que lui était capable d'empêcher la mort si on voulait. L'État, le pouvoir, on verra bien après. Oui, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. D'ailleurs, je viens de le dire il y a des jours, 76, en novembre. C'était la solitude. Le pays occupé, les pays occupés. Il a tendu sa main. Il m'a sorti de la solitude. Je vous assure que. Il est très mal connu de chez les maîtres. Qu'il était au dialogue. Je sais. Si Dieu parle du poli, je sais quel danger. Hein. Tout ça veut plus. Hein. J'ai été. Je peux l'affirmer. C'est un peu stratégique. Pour les dialogues, il a beaucoup évolué. Entre le moment où il a été élu et le moment où il a été assassiné. Non, bien avant. Déjà avec les histoires de Maharia comme on fait d'abord. Ah non, avant Maharia, alors. Pour moi, c'est l'extrême du vent qui compte. L'existence de mon pays. Tout ce problème, c'est pas simple. Si vous jugez maintenant votre expérience passée dans les années, la fin des années 60, début des années 70, au moment où vous combattiez l'État. Vous ne sentez pas vraiment une lourde responsabilité pour la situation? Plusieurs de mes camarades ont posé cette question. Ouais. Je n'ai pas changé. Mais c'est un peu ambigu, là. Non, pourquoi? Quand l'État est par terre, vous réclamez, et quand il est debout, vous... Pourquoi dit l'État? Pourquoi ne pas dire l'oppression? Ah, vous êtes un combattant contre l'oppression. Certainement. Que vienne de l'État ou que vienne de l'étranger. Hein? Certainement. في شعار رجل مكسيتو باري ومرا في شعار نحن فاعلين بالفعل الشعار يعبر عن وجهة نظرنا نحن لا نفق الأوامر إلا من المعذبين في عوب نظيرة تلك الأوامر نظرنا ملزمة في عشرة الحياة ومعناها موجودة على كل مدى فينا شوف لك الحرية تفضي أم لا نحن حركة مخصصات صعب الشيء قلنا حاليا نحن هيك نحن معنا مخصصات بشوف نحن عندنا مثلا دوشكا مسؤول الأمن بالحركة المستشفى ممتاز بالفعل كان قادر هو يمكن لعب دور كبير من عطائي فيه خالص دوشكا اخوه المستشفى دوشكا كان عمره 7 سنين او 8 هلا معه مرور احمد نبلسي اللي قتلوه من فتره سريعة اخوه صغير فين معه مرور يمكن نحن بيجمعنا مع بعض أعمق كثير من الفكر السياسي هي نظرة الحياة وبعتقد من كنت أنا أنا على الناس معي 67 ما يحكوا بالكوسة محشي والأكل والشرب بس يكونوا مثل الحيوانات لأن هي توجهت لي أبدو لقلبهم لنظرة معينة للحياة إنه إذا كان أبو رجال إلى أول مسؤول عسكري بالحركة هو كان أيما قاعدة خطين 67 أول قاعدة لفترة شو مسيوز باري مرام نظرة للحياة أنا بعتقد المثقف الثوري هو إنسان يبوع على مشاكله بحاول يعبر عنها بشكل من الأشكال أنا بعتقد إحنا حاليا من فترة لأعلى مراتب عن الناس الثوري مع مواجهة أكبر الصعوبات وأعمى ما في أصعب من أنك أنت فجأة بالنسبة للناس فجأة أنك تعلن رأي مش متبعك مش فاهمك يفهمونك انت مع السلطة مين السلطة عليك خالص هل السلطة مين شري مع السلطة السلطة مين السلطة هي مدافع ما بعتقد انت مكنت اصلا سألني هذيك مرة واحد رفيق اسمه عبد الله طلعها عيني قال لي ابو نايف ما دام احنا هلا بدنا دولة ما كسرناها الدولة وكيف؟ قلت له نحن ندفع انا سنة 75 سنة شعبية شبه سنة شعبية بطرس انسرقت انسرقت خطمنا الدولة عوض ما جماهيرنا تمكن تمسك الزمان وتمشي ببناء سلطة دخل على الخط على الضغر الخط الفلسطيني وبعدين الخط السوري وأصبحت الحركة الوطنية أداة مرة محمد اللي كان سكرت الحركة الوطنية كان في غدر المحافظ حركة وطنية نحن بالحركة آخر كل سنة من حسابات مالية عنا بالحركة نطلع حتى أحيانا بعض التفاصيل وجدت أنه في مبلغ من المال غدر المحافظ حركة وطنية نحن كحركة خصتنا اسمعنا شو من هون في تقل كل شيء مش بدنا من الشعارات قلت له يا محمد كثير هالمبلغ انتو كم حزب والمحافظ ومين في قال لي لا في مرافقين فاذا قال لي المبلغ قال لا المرافقين اكلوا اكل ثاني اذا كان مسؤولي الحركه الوطنيه بياكل نوع من الاكل والمرافقين بياكل اكل ثاني كلام فالمسؤول المقام الفلسطيني يلتفت لمرافقه يقول ولا انت عندي تشتغل هذا ما نحرك ما نحرك وطنية هي أنا كيف بتعتقد إنه أنا في قضية فلسطينية إذا أنا مع لبنان كيف أنا أتناقض القضية الفلسطينية بالتالي وأوتوماتيكيا بدي أعطيني قضية بقاء بلدي مش ممكن أعكس الشيء هذا وبلدي مكون هالشكل مكون مسيحي مسلم ما بقدر أعمل غير هيك وإلا أنا حدوب بكيانات من الصعب ناضج منها صعب احكي اصلا او ايش البقاء بلدي هو بالفعل هو الاساس هو الذي يعلو على اي امر اخر وهالشيء هذا بالفعل نابع من نظر الحياه مش سياسيه ما انت صحيح وهون عكس اللي بيقولوا دومينيك بوشان ولسيان جورج انا هيك كنت من اخي انه ايران ليبيا ماليبيا اجى عندي سفير لي ابو قلبه ابو بشير جميل قال لي بشير جميل بيطلع رئيس انت ما فرق معي مين ما كان بيطلع مالك علاقه كان نحن من قياده الحركه محمد وسمير وليس من حركه دخل شو شو شو لك علاقه باي حق عم دخل فينا ما لك علاقه ما شغلتك هيدي وراح طلعت ديمالي فرنسية قبل قليل ما انا قعدت ببريد اربع سنوات ونص خمس سنوات بالفعل كان في اخر انا حقيقي المهم الواقع 67 كان واقع مفروض الانسان يقود ولا تشاؤم مش عارفنا لو التشاؤم هو اني بالفعل بقول لك انه عن جراند صار زي القياس لازم يكون يعنيها لابد غير لكن ما زبطت كانت هي على طول بودلير طبعا شعره السياسي مش هيك هو ما في شعر بس العم بعملنا لو ما في عاطفي لو ما في بنيتك المساهد انا هاوي التصوير انا بحب اقعد بالاستوديو وطلع صور انا بعرف شو فيها عشان هذا بداية هل اللي صاير هو محاولة رح يعمل ينجحوا فيها محاولة استنفاذ ذخيرة شوف ثم وطني حلم مش حقيقة حقيقة مش هيك مية بالمية ما بحق لي أحلم مش بدنا نعمل طيب يعفيني دومينيك بوشان وسيان جورج والبعض انه ايران وديميني فرنسي اريك لليبي ولا اخرين وغيرها هذي انت تعتقد الحرب علينا العالمية روايات تسمى روايات هي من فئتين فئة تعتقد انه هي على اليسار هي مش على اليسار يوم ما حيث يبقى عندها تغييرات وفئة على اليمين اللي هي حركة التوحيد واللي راحوا كسروا محلات بطرابلس وفيها بيرة ومسكين قال لهم واحد اسمه هنود جيت هنود الكحول هذا مسيحي عند عند قالوا له عندك ويسكي عندي 4 مليون ويسكي هم كسرتهم ليش ما بتروحوا على محل مليون الحديد عنده مليون ليرة ويسكي عطل ما بيروحوا لعندهم لا غيروا لهم بدهم 200 ورقة 200 ورقة Martin, trop simple, fait les choses, dire que le monde 24 octobre est allié au pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir, c'est pour ça que le pouvoir est difficile. C'est méconnaître le mouvement, besoin de le comprendre. Un affiché, ma faute de marquis. Alors, parce que l'allié, ma faute de chèque parce que Mahmoud Chirin. أي متى؟ خميس ثلاثة أسبوعين في شيء يرفضني ممكن بدخل ضمن هالمرض أنا عارف شو بده مني على كل حال أنا كنت مفروض قبل صحفيين أجانب حتى حال يعني هلا بده يصير ما بتشوف هلا الصحفية بدك بلشت قصة طرابلس يعني تتخطى المرحلة المحلية بلش تصير انه شو في وبلش صحفي اسمح لك لما نحلي على نفسي انا بدي ارجع اتعرف عليه تفضل سميها شعر سميها عاطفية بدك انا عاشق مع اخطاء العاشق ومع مع أخطاء العاشق ومع حين عدم فهمه للواقع ما بعترف فيها ولكن العاشق ما بشوف شيء ما بشوف الا عاطفته ما بعتقد غير هالعاطفه هي اللي ممكن تجعلني انا وغيري وغيري بروح البلد يعرف شو فيه صدقني انه في ليل بطرابلس بس في خوف شوي يعني ما بخاف شنو انا فيني انا بخاف المجنون ما عنده احساس بالخوف بس تغير بالله اللي صار شعور بالوحده شعور انا بيطلعوا طري عني وبيحصروني بس بنفس الوقت سعاده انه عم فكر انا وغيري بيني وانا نعبر عن راي كثير من الناس اللي من الشعب انا كنت نوعا ما مرة صاحي صديقة فرنسوية قال لي فرنسوية باريس كي انت في المانيا قال لك الناس من عم تحاول تلبسوا شيء لانه في اللي بيحكوه انا شاكر زيارتكم يلا و